Je vais maintenant rendre un vibrant hommage aux maîtresses. Il se trouve que certaines femmes portent l'étiquette de cette dénomination qui était souvent considérée à tort comme peu glorieuse, alors qu'il s'agit clairement de l'affirmation d'une personnalité indépendante. La liaison avec un homme marié n'est d'ailleurs plus du tout vécue comme une fatalité, mais bien comme une opportunité, car en plus d'avoir un lien fort et intemporel, il reste suffisamment d'espace pour d'autres rencontres. En effet, elle est bien loin l'époque où la situation était subie. Dorénavant, cela relève d'un choix de vie qui permet d'être officiellement femme de personne, tout en ayant une sexualité réjouissante. En effet, elle est bien loin l'époque où la situation était subie. Dorénavant, cela relève d'un choix de vie qui permet d'être officiellement femme de personne, tout en ayant une sexualité réjouissante. L'amant y trouve aussi largement son compte. D'un côté, une vie rassurante en lien avec l'idéal transgénérationnel, et de l'autre, le jardin secret où le quidam fort et valeureux peut se livrer sans crainte ni jugement. Ce qui donne à cette aventure un naturel et une sincérité difficile à obtenir dans le contexte d'un quotidien jonché d'attentes. Le profil de l'amante est d'ailleurs généralement très éloigné de celui de l'épouse. Il est plus que probable que le respectable monsieur n'aurait certainement pas tenté de séduire une telle créature dans l'objectif d'une vie commune, conscient qu'elle ne se serait jamais laissée enfermer dans sa routine conventionnelle. C'est pourquoi l'adultère est une pratique vieille comme le monde qui tiendra toujours une place essentielle dans la structure sociale tout comme son antonyme le mariage, les deux relations étant étroitement liées. Manifestement, le rapport extra-conjugal agit comme une soupape de sécurité pour maintenir à flot l'union officielle bâtie sur des compromis et des faux semblants. C'était Evan Matisse. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles anecdotes.